Are you ready? Rapidance 36. Et bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans Rapidance 35, c'est toujours Ismaël avec vous pour vous accompagner durant 2 heures chaque semaine avec un seul objectif, celui de vous faire découvrir les 35 meilleurs hits EDM de la semaine. Et ça tombe bien, cette semaine, bah, y a pas de grand changement, mais en fait, si, clairement si, je vous avoue, il s'est passé quelque chose de fou. C'est la première fois que ça m'arrive, depuis que je fais cette émission, d'avoir un classement aussi bordélique. Je m'explique, d'habitude vous avez plein d'artistes, bon, en ce moment il y avait surtout Kygo et Lady Gaga qui dominait un petit peu voilà, le classement avec 2-3 singles chacun, voire même plus pour Kygo, je crois que c'était 4 à 5 dans le top 35, mais là on est passé à un truc de ouf. Kygo, je crois qu'il a à peu près 11 singles actuellement dans le top 35, et Lady Gaga, c'est presque son dernier album en entier qui s'est ramené et qui a pris les premières places. Je vous explique, la Chromatica actuellement, donc c'est son album qui est sorti le 29 mai dernier, tout comme Golden Hour qui est celui de Kygo, et bah ils se sont fait la guerre là pour cette semaine dans le classement, mais c'est un truc de ouf. Alors pour vous dire, on a 7 singles sur ceux de la semaine dernière à peu près, qui sont restés avec des artistes un petit peu différents autres que Kygo et Lady Gaga. Donc par exemple, on a toujours les Black Eyed Peas, on a toujours Saint John, on a toujours Regard, on a toujours Surf Mesa, etc. Enfin, je vais vous le faire découvrir là dans les minutes qui arrivent, les amis. Mais après, on va écouter que du Kygo en featuring avec d'autres artistes ou du Lady Gaga en featuring avec d'autres artistes. Donc préparez-vous parce que cette semaine, eh bah, grosse découverte, les deux albums, ils sont quasiment complets dans Rapidance 35, les 35 meilleurs hit EDM de la semaine. Et tout de suite, eh bah, on va démarrer avec le numéro 35. Et c'est ni plus ni moins Kygo qui se retrouve à la 35e place avec une nouveauté. C'est Sam Tinez qui est là aussi sur ce single qui s'appelle Don't Give Up on Love. Rapidance 35, 2 heures de musique dance électro non-stop avec Ismaël. Nouvelle entrée dans le top 35. When you're falling backwards and no one's catching you, when your heart just shatters, too many pieces to pick it up. Beat numéro 35. You keep finding a way just to live alone, nothing to say, staring at your phone, and your life is going on. Don't give up on love when it doesn't work out the first time. Close your eyes and trust that you gotta get low to get high. The world's full of second chances, you gotta keep on dancing. Don't give up, don't give up, don't give up on love. Don't give up, don't give up, don't give up on love. Don't give up on love, but doesn't work out the first. first time. Gotta get low, get high. That doesn't work out the first time. Don't give up on love. Hit numéro 34. Always thought I was losing the race. Looking for love in all the wrong places. Really don't know how we made it here. Never thought I was worth what you give. Never felt quite alive, now I'm living. Yeah, you kill my doubts, they disappear. When I feel like nothing's gonna hold me down, hold me down. You do used to be scared of falling till you came around, came around. Now I just wanna stay. From grace, yeah. I was numb before, but now I feel. Any problem will figure it out. Any love lost will bring back around. Any broken heart will make it heal. When I feel like nothing's gonna hold me down, hold me down. You do used to be scared of falling till you came. If it knocks you off your feet, if the taste is bittersweet, if you cry yourself to sleep, if you find it hard to breathe, if your heart is feeling sore, but somehow you still want more, and you're slamming all the doors, when it feels like loving more. Will we ever stay high long enough to survive these lows? Would you give me a sign? Should I stay or just let you go? Tell me, how would I know? Thank you. say you'll feel it when it's right. It just gets dark before the light. I know that we all make mistakes, but how many tears will it take? Will we ever stay high long enough to survive these lows? Would you give me a sign? Should I stay or just let you go? Tell me, how would I know? How would I know? Et voilà à l'instant, deuxième single de Kygo, extrait de son dernier album qui s'appelle Golden Hour, sorti donc le 29 mai dernier. C'était How Will I Know, donc en featuring avec How Wonder, numéro 33 de cette semaine. Tout de suite on continue avec Secrets, un single signé de Regard et Ray. Et puis juste après on va se découvrir ensemble trois nouveaux extraits du dernier album de Kygo. Il y aura To Die For, Could You Love Me et Beautiful. I don't know about you. There's something in his eyes. He's keeping secrets. Numéro 32. What a way to drop a bombshell, baby. Guess you really didn't think I'd find out. In the silence, crying. I'm on the side with the lights out. Know that you feel it. Know that you feel it. Fuck you in my heart and head. Sipping wine like I don't know about you. There's something in his eyes. He's keeping secrets. I don't know about you. There's something in his eyes. He's keeping secrets. C'est maintenant dans Happy Dance 35. Nouvelle entrée dans le top 35. Hit numéro 31. Give me a minute to get out of my mind. To help me remember what the feeling was like. TV, your hand in mine. What I do to get back to you. Cause every time we touch, you curse the deepest. But I don't wanna fall if it's not enough. Oh, you stop my heart like you're in my blood. You were to die for. All I ever needed, you're the kind of high that keeps me wanting more. Oh, I can let go, I'm forever yours. You were to die. So much more that I need to say. Oh, I can't let another moment escape. So take me back, oh. To summer nights, drinking wine till we can't find our feet. You lean on me. Oh, what I wouldn't do to get back to you. A little more before I love somebody else. And I've been praying to be a better man for you. Oh, oh, I hope I'm changing. I hope I'm changing. I just wanna be a better man for you. For you, for you. Could you love me? Am I crazy? Could you look past all the Well, I know I'm acting out, destroying everything I love, like I can't help myself. I've been praying, yeah, I've been praying to be a better man for you. Hit numéro 29. Was it something that I said? I tried my best, yeah, all for you. I can see it in your eyes, the way you lie. I'm such a fool. One too many times, I'm the one to take the burden. Oh, you know I tried, but God knows. That you heal is to move on to someone new. Then why does every single road that I take lead back to you? One too many times, I'm the one to take the burden. Oh, you know I tried, but God knows. Beautiful. If I tell you my secrets, you're my target, my demons. Tell me, what do you see? Trois nouveautés à la suite issues de l'album Golden Hour sorti par Kygo il y a quelques semaines de cela. C'était à l'instant dans Happy Dance 35. Les amis, on continue tout de suite avec un single que vous connaissez bien. Il a perdu 15 places, c'est LMK, un single signé de Lil XXL. Hit numéro 28. Lately I've been missing you, but I know everything's gonna be alright. Thoughts of me kissing you, that would all lead up to the times we'd fight. Wanna know what's up with you, ever since you left you've been out of sight. Girl, I wanna know the truth, just so I can tell you what's on my mind. What's up, I've been calling you, it seems like I can't get to you. Thought I was good, yet I'm feeling blue. Feels like I'm alone in this game for two, yeah. Tell me what you wanna do, live your life, no stopping you. When you're up late nights, who you talking to? Let me know, I'm so confused. Yeah. you said you felt love before. This ain't the same, and I can't let you go, 'cause this feels like forever. Ismaël, vous écoutez Happy Dance 35. Les amis, c'est toujours Ismaël avec vous encore pendant 1h30 dans Happy Dance 35. Émission bien particulière cette semaine avec un classement qui a été bien chamboulé avec la sortie des deux albums différents, dont l'un a été fait par Kaigo, un DJ norvégien, voilà, qui était déjà très récurrent dans le top 35 avec notamment 2, voire 3, voire même 4 singles en même temps prenant plusieurs places donc dans le top 35. Et puis Lady Gaga qu'on avait bien vu depuis là déjà 2-3 semaines avec notamment Stupid Love, Sour Candy, commencer à prendre place aussi dans le top 35, mais directement dans le haut du classement comparé à Kaigo qui pouvait se retrouver entre la 30e et la 20e place par exemple avec ses singles. Mais là, cette semaine, il y a eu une guerre qui a été déclarée entre ces deux-là, puisque pour tout vous dire les amis, on a 35 singles à écouter en 2 heures. Et bah cette semaine, sur les 35 singles, il n'y en a que 9 qui ne sont pas issus, eh bien, soit de Lady Gaga, soit de Kaigo. C'est-à-dire effectivement que pour vous faire la parité des choses et vous le dire clairement, on a actuellement 13 singles de Kaigo dans ce top 35 cette semaine, et 13 singles de Lady Gaga. C'est vraiment, j'ai l'impression, vous savez, qu'ils se sont déclarés la guerre, et voilà, ils se sont fait, allez, on en a marre de laisser un petit peu de la place aux autres, nous aussi on est fort, on veut vous montrer, voilà, c'est qui le patron, c'est qui la patronne. Bon, en même temps, Lady Gaga, on n'oublie pas son surnom, la reine de la pop, Queen of the Pop en anglais. Bon, Kaigo, DJ norvégien, très connu, dans le DJ Mag, voilà, mais vraiment, ils se sont déclarés la guerre, et ça donne ce choc des titans. Donc on a déjà écouté quelques singles solo, et bah là, tout de suite, je peux vous le dire, il nous reste encore 7 singles d'ailleurs de Kaigo à écouter. Et ça tombe bien puisqu'il y en a un qui arrive juste après ce single de Major Lazer, c'est Lay Your Hand on Me, suivi de Someday, Kaigo avec Zac Brown. Hit numéro 26. When you're numb to the touch, you cannot chase this ghost away. And this too shall pass, this too shall pass. It won't always be the same. And every single scar that you claim is a stone in the path to this place. And every single choice that you made has led you this way. So lay your head on me. Lay your head on me. Don't be afraid, love. okay, it's alright. Someday we will be fine. Staring down the long night, waiting for the sunrise. It's alright, it's okay. I've been there in your place. It's okay, it's alright. Just lay your head on me. Lay your head on me. Nouvelle entrée dans le top 35. Hit numéro 25. Come and take this heart while I'm away. Cause I want you to hold it, babe. I know that you keep it safe. When I went too far, far away. A stranger in a different place. Lord knows I miss you, babe. I swear the highs ain't high enough. God knows the lows won't let me up. The space and time between you and I, I'll never leave you in the dust. Falling skies and open roads, the only place that I call home. Is in your arms and in your eyes where I belong. And I don't know how, don't know when. Someday I'm gonna see you. Now delete my number from your phone. But you were on. You gotta go, oh. Line by line, gotta spell it right out. I don't know what you're looking for, but I don't think it's me. I wish I like it is. I'm just telling it, telling it. I'm just telling it like it is. I'm just telling it, telling it. I'm just telling it like it is. Wait a minute, let's make this right. You're the only one thing that I need in my life. I ain't never met a girl like you before. I can tell you everything if you need to know. We was perfect before and I made mistakes. Told you I was all in, we could raise the stakes. Even though I'm a player, I ain't contemplate. Now you on a vacay, hotel, heartbreak. Champagne all day on me, oh yeah. Miami with your friends, you ain't worried about me. Got a room with a suite, so drunk, lose a key. And I know we ain't over, so the ring you can keep. Ay, we be right back tomorrow night. Yeah, it's four life, you know we ride or die, ride or die. Yeah, single for the night, but you still mine. And I'ma chill with the shorty just to kill the time, you know. I'm just telling it like it is. I'm just telling it, telling it. I'm just telling it like it is. I'm just telling it, telling it. I'm just telling it like it is. I'm having thoughts again. Hey, are we more than friends? Been trying to set those words for days. Cause I've been noticing that when I look at you, you turn your head and look away. Been dancing around the feeling and the voilà, superbe duo, hein, Valérie Broussard avec Kaigo sur The Truth, numéro 23 de cette semaine. anciennement numéro 11 de la semaine dernière. Ça fait quand même une grosse chute, une perte de 12 places. Mais tout ça pour une arrivée en masse avec 13 singles dans le top 35. Bravo à Lucas Ego en tout cas avec ce superbe album qui s'appelle Golden Hour et qu'on découvre cette semaine puisque ça fait partie tout simplement des meilleurs hits de la semaine en EDM. Mais les amis, restez bien avec moi quand même puisque d'ici quelques minutes je vais vous faire découvrir, si vous ne connaissez pas non plus ce single, pourtant c'est pas la première fois qu'il est dans Happy Dance 35. D'ailleurs la semaine dernière il était numéro 14. C'est Kygo et Sacha Sloan avec I Will Wait, numéro 21. Et puis juste avant on écoute tout de suite Freedom, Kygo avec Zach Abel dans Happy Dance 35. 2 heures de meilleure hit musique with Dance Electro, c'est maintenant dans Happy Dance 35. Hit numéro 22. I was living a lie, this is my confession. I was living a lie before we met. There were so many nights full of dark temptation. There were so many nights that I regret. You gave me something that I can hold on to. A little light when I'm down on my knees. I was so lost in myself when I found you. But in that moment you made me believe. You give me freedom, freedom, freedom I've been looking for. Freedom, freedom is you. You give me freedom, freedom, freedom I've been looking for. Freedom, freedom is you. You give me freedom. Couple thousand away. It's like we're not apart. I burn my money just to hear you say you love me again. People say we're foolish. People say we're dumb. People say we're caught up in temporary love. We don't know what we're doing. They say we're too young. I Will Wait, Kygo et Sacha Sloan, un duo exceptionnel sur une chanson exceptionnelle, anciennement numéro 14, c'est la chanson numéro 21 de cette semaine, mais ça reste la chanson élue dans mon cœur, en tout cas pour ce qui concerne l'album de Kygo, puisque c'est celle qui me fait le plus de bien et me fait sentir bien. Elle donne tellement des good vibes que j'espère vous aussi vous l'avez ressenti comme ça, avec en plus, enfin, la voix de Sacha Sloan est juste magnifique, ça enchante la chose et je vous l'avoue, j'ai voyagé en écoutant ce single là avec vous à l'instant dans Happy Dance 35. Restez bien avec moi les amis, puisqu'on va repartir bien sûr en musique. Tout de suite, ce qui arrive, c'est Breaking Me de Topic et A7S qui ont perdu 10 places par rapport à la semaine dernière et qui ne font donc plus partie du top 10, il est numéro 20. Et puis juste après, on écoute l'avant-dernier single de Kygo cette semaine qui est dans le top 35. C'est Broken Glass avec Kim Petras qui sera le numéro 19. Beat numéro 20. Call me what you wanna, I'll be what you wanna, I've been here a thousand times. Hey, you're falling for another. I don't even bother. I could do it all my life. So tell me if you wanna, 'cause I got this feeling. I wanna hear you say it, 'cause I can't believe it. With every touch of you, it's like I've started dreaming. 'Cause heaven's not that far away. And I'll be singing la la la la la la la la. You're breaking me, la la la la la la la la. You're breaking me, la la la la la la la la. You're breaking me, la la la la la la la la. I'm just right here dancing around to the rhythm that you play when you're breaking my heart. You know that I can't get you out of the system. Yeah, right from the start, you play with my heart, and I'll be singing la la la la. Forever spinning round inside this room. Hey, hey, won't you come on over? I'm a sucker for you, wishing we'll be out here soon. So tell me if you wanna, 'cause I got this feeling. I wanna hear you say it, 'cause I can't believe it. With every touch of you, it's like I've started dreaming. 'Cause heaven's not that far away. And I'll be singing la la la la la la la la. You're breaking me, la la la la la la la la. You're breaking me, la la la la la la la la. You're breaking me, la la la la la la la la. I'm just right here dancing around to the rhythm that you play when you're breaking my heart. You know that I can't get you out of the system. Yeah, right from the start. I'll be singing. le top 35. Beat numéro 19. We were so close to something right. But we're stupid, but we're stupid, but we're stupid. We could turn love into a fight. Over nothing, over nothing. And the only thing we had in common with each other was destroying everything we ever touched. So cheers to us and why we had. Let's keep dancing on the broken glass. And all that's left is smoke and ash. So let's keep dancing on the broken glass. Cheers to us and why. But we're useless. Nobody does a tragedy like you and me. Cause we're ruthless, cause we're ruthless, cause we're ruthless. And the only thing we had in common with each other was destroying everything we ever touched. So cheers to us and why we had. Let's keep dancing on the broken glass. And all that's left. Une heure les amis, c'est le temps qu'il nous reste ensemble dans cette émission qui s'appelle Happy Dance 35. Moi je m'appelle Ismaël et je vais continuer de vous servir justement durant cette heure le meilleur eh bien, des musiques EDM de cette semaine avec ce classement. Il nous reste exactement 18 singles à découvrir en une heure. Ça va être un petit peu le rush, mais vous inquiétez pas parce que durant cette heure on va aussi découvrir eh bien, une grande partie de l'album de Lady Gaga qui s'appelle Chromatica avec notamment 13 chansons issues de cet album, ce qui fait pas mal de choses à écouter. Et donc il va nous rester quelques petite place pour des singles autres et surtout encore une chanson de Kaigo qui est directement numéro 8 de cette semaine et toujours dans le top 10, mais on verra ça tout à l'heure. Pour l'instant en place eh bien des numéros 18 à 10, que des chansons de Lady Gaga issues de son album Chromatica. Préparez-vous parce qu'on commence tout de suite avec Mil Doves suivi de Babylon et Replay. Happy Dance 35, 2 heures de musique dance électro non-stop avec Ismaël. Nouvelle entrée dans le top 35. Hit numéro 18. I need you to listen to me. Please believe me. I'm completely lonely. Please don't judge me when your tears are falling. I'll catch them as they fall. I need you to listen to me. Please don't leave me. I'm not perfect yet, but I'll keep trying. When your tears are falling, I'll catch them as they fall.

mile. Serve it ancient city style. Talk it out, babble on. Battle for your life, Babylon. That's gossip, what you on? Money don't talk, rip that song. Gossip, babble on. Battle for your life, Babylon. Nouvelle entrée dans le top 35. Beat numéro 16. Was it you or I? I'm completely numb. Why are you acting dumb? I won't blame myself, cause we both know you were the one. Babylon et Replay, les trois singles à l'instant qu'on a écoutés et surtout découverts, puisqu'ils sont tous extraits du dernier album de Lady Gaga qui s'appelle Chromatica et qui est sorti donc le 29 mai dernier. Et tout de suite, on continue avec Plastic Doll, suivi de Seen From Above, Enigma et attention, Fun Tonight. Nouvelle entrée dans le top 35. Beat numéro 15. Am I your type? Tell me who dressed you, where'd you get that hat? Why's she crying? What's the price tag? Who's that girl, Malibu Gaga? Looks so sad, what is this saga? Top 35. Hit numéro 14. When I was young, I prayed for lightning. My mother said it would come and find me. I found myself without a prayer. I lost my love and no one cared. When I avec Ismaël, vous écoutez Happy Dance 35. Nouvelle entrée dans le top 35. Hit numéro 13. Open-minded, I'm so blinded. Mystery man, woman phantom. Pilot light smears the atmosphere. I'm so scared, but I'm standing here. Is what I'm seeing real or is it just a yourself? Is it all this virtual? We could be lovers, even just tonight. We could be anything you want. We could be jokers, right to the daylight. We could break all of our stigma. I'll be your enigma. I'll be your enigma. I'll be your enigma. Shadows, my heart races. Dragon's eyes watch, goddess breathing. Give me some. something to believe in. Is what I am seeing real, or is it just a sign? Is it all just virtual? We could be Ah les amis, ce beat, il est magnifique. Enigma de Lady Gaga, extrait de son album Chromatica. Et ben, on va continuer encore avec Lady Gaga pendant un bon bout de temps, puisqu'on se fait tout de suite Fun Tonight suivi de Free Woman et 911. Nouvelle entrée dans le top 35. Beat numéro 12. Feeling something that I can't explain. Think it's a wound I still entertain. I'd do anything to numb the flame. I guess I'm just on fire these days. This feeling in motion. it, but if I'm gonna go for it, I'll remember that, that I say that I want it, be free. Don't fight it, fight it, but if I'm gonna go for it, I'll remember that. Dans le top 35. Allez, on est parti pour le top 10 des meilleurs hits musicaux de cette semaine avec tout de suite 911 dans Happy Dance 35. Numéro 10. Turning up emotional faders, keep repeating self-fading phrases. I have heard enough of these voices, almost like I have no choice. This is biological stasis, my mood shifting to manic places. Wish I laughed and kept the good friendships, watch life feel like gold. Papa, Happy Dance 35, 2 heures de musique dance électro non-stop avec Ismaël. Et on est parti tout de suite pour écouter le numéro 8 de cette semaine, anciennement numéro 7. C'est Kygo avec le groupe One Republic sur Lost Somebody. Numéro 8. It's a classic me mistake. Someone gives me love and I throw it all away. Tell me, have I gone insane? Talking to myself, but I don't know what to say. Cause you let go and now I'm holding on. I guess you don't know what you got until it's gone. Sometimes you gotta lose somebody just to find out you really love someone. Tell me it's too late. Hearts are made to bend. Baby, please don't let me break it. Yeah. I knew I should have stayed. Cause now you're moving on. And I don't know what to say. Cause you let go. And now I'm holding on. I guess you don't know what you got until it's gone. Nouvelle entrée dans le top 35. Hit numéro 7. My name is Dallas. Gonna keep looking, I'll keep looking for Wonderland. My name is Dallas. Gonna keep looking, I'll keep looking for Wonderland. Wonderland. Free. anything. Take me on a trip, DJ, free my mind. No son ni Reebok ni Sonai, nah.

Le top 3 des hits, c'est maintenant. Les amis, ça y est, on rentre dans le top 3 des meilleurs hits musicaux de cette semaine. On a presque écouté entièrement les 13 chansons extraits de l'album Chromatica de Lady Gaga, mais je vous le dis, c'est pas encore fini, puisque là c'était Stupid Love. Mais c'est pas tout. On a encore Soul Candy avec les Blackpink et puis Rain On Me avec Ariana Grande à découvrir. Là, ce sont partie ces deux chansons du top 3. Et puis bien sûr, entre les deux, on a Roses, un single remixé par Eminem Beck, original de Saint John, qui arrive juste après. Donc Soul Candy, numéro 3 de cette semaine. Hit numéro 3. Soul Candy. I'm sour candy, so sweet and I get a little angry, yeah. Sour candy, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. I'm super psycho, make you crazy when I turn the lights low. Sour candy, yeah, yeah, yeah, yeah. Ask me to be nice and then I'll do it extra mean. The bucket pulls on high, I'm that one I get tea. 이상적이란 말들로 날 포장한 건 너야. I need show me a real good time. I never asked for the rainfall. At least I showed up, you showed me nothing at all. It's coming down on me. Ça y est, c'est la fin de l'émission pour cette semaine. On a à l'instant écouté le titre numéro 1, à savoir Rain On Me de Lady Gaga et Ariana Grande. Que dire ? Eh bah, ça fait super plaisir à entendre. Et puis franchement, cette chanson, est-ce qu'elle est pas énormissime ? Moi, j'ai envie de dire que si. Et d'ailleurs, si vous n'avez jamais vu le clip vidéo, je vous invite à aller le regarder soit sur la télé, soit directement sur YouTube. Voilà, vous tapez Rain On Me, Lady Gaga, ou même juste Rain On Me et vous tomberez dessus parce que c'est un gros carton en ce moment. Et pour preuve, bah, cette semaine, qui c'est qui est venu faire la guerre avec Kygo en même temps pour montrer quel est le meilleur album EDM en ce moment ? Et bah, tout simplement, c'est Lady Gaga. Et voilà, ils se sont fait un gros fight. 13 chansons chacun, extraits de leur album respectif. Pour Kygo, à savoir Golden Hour, et pour Lady Gaga, à savoir Chromatica. Ça a fait un très beau fight. Et bah, j'ai envie de dire, pour cette semaine, je les mets à égalité. Parce que franchement, leurs deux albums sont juste génialissimes. Et je peux vous le dire, je vais m'acheter les deux albums et les mettre à fond dans ma voiture lorsque j'écouterai la radio en journée. Et du coup, les amis, avant de se quitter, j'ai une petite surprise pour vous. Voilà, elle s'appelle Head, Shoulders, Knees and Toes. C'est un single, je dirais même un hit, qui mériterait largement d'être dans le top 35, qui a été créé pour TikTok. C'est les Offenbach qui ont fait ça. À la base, Head, Shoulders, Knees and Toes, c'est une chanson pour enfants, pour apprendre, voilà, à montrer les parties du corps. Donc la Head, c'est la tête, Shoulders, c'est les épaules, Knees, c'est les genoux, and Toes, c'est tout simplement les doigts de pied. Mais franchement, la version remixée par les Offenbach, c'est une tuerie, et je vous laisse tout de suite la découvrir. Sur ce, les amis, à la semaine prochaine pour une nouvelle émission et un nouveau classement avec peut-être la suite de cette guerre magnifique entre Kygo et Lady Gaga. Ciao, bye bye, c'était Ismaël au micro. My shoulders, knees and toes, my bones, your music gets me through the highs and lows. My head, shoulders, knees and toes, my bones.